marche arrière. Oh my love, pour moi ça y est. Y'a des hauts, y'a des bas. Vie de ghetto, vie de star. Vie de ça, vie de ça. Moi Namboka vient du bloc. Qui vivra verra, on s'attagit. Mes cœurs de pirate, ils nous haïssent. On a tout ce qu'ils veulent. Oh, oh. Fallait peu pour finir ensemble. Tu m'appelles, trop de promesses au portable. Pour ton cœur, je retourne ciel et terre. Si ça pète, c'est pas de ma faute. Hein. Y'a plus qu'à ramasser les douilles, tu sais, je me cogne pour nous deux. Et quand je me barre, c'est pour après mieux t'emmener. J'ai cassé les portes, j'ai écrit des hits pour nous deux. N'écoute pas les gens, le mal se répand. Tu es dans mon camp, c'était promis de s'aimer. T'es ma lumière dans le noir, je me sens bien près de toi. Bébé, il n'y a plus le temps de perdre du temps, c'est sentimental. Dis-moi ce que t'as sur le cœur, mon amour pourrait s'effacer. Bébé, il n'y a plus le temps de perdre du temps, c'est sentimental. J'assume mon rôle, assume le tien. Dieu m'a fait homme, c'est pour protéger les miens. Assume le trône, pleure pas pour rien. Tu es ma femme, tu dois assurer mon bien. Oh bébé, tu as serré. Je dis qu'on est viens me faire un boussa. On s'est promis de s'aimer. Tu sais pourquoi je fais tout ça. Oh bébé, tu as serré. Je dis qu'on est viens me faire un boussa. On s'est promis de s'aimer. Tu sais pourquoi je fais tout ça. Bébé, t'es pas tout seul, seul. Bébé, t'es pas tout seul, seul. Bébé, t'es pas tout seul. La vie d'une rockstar, et je vais le faire pour nous. On devra faire face aux jaloux. Je ne veux plus jamais te voir à genoux. Donc j'ai choisi la vie d'une rockstar. Mais j'ai l'impression d'être incompris. Pour toi j'ai dû faire des sacrifices. Toi tu ne vois que les artifices. Mais je t'aime pour la vie. Tu me demandes pourquoi je suis tout le temps au studio. Bah pour quitter la haze. Pour quitter la haze. Tu me demandes. Quand j'étais mal, quand tu me disais que t'avais pas trop le temps. Dis-moi qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu racontes, ça fait longtemps. T'as beau leur faire du bien, poteau, ils sont jamais contents. J'suis dans le bolide, j'suis dans le compresseur. J'pense à toi, tiens là, tu t'en sors. J'vais la récupérer, la Valentine, elle vient de finir son sport. Des fois j'suis en bord, j'converge dans le Porsche. Des fois elle me cherche, elle veut que j'la sorte. J'ai bien compris que le love et moi c'était mort. J'ai tout donné, donné, mais j'ai raté le coche. Que des paroles et moi je veux changer de décor. L'amour n'existe plus comme la parole d'un homme. Plus de sentiments, bébé si tu reviens même si tu le fais gentiment. Oh bébé, tu as serré. Je dis qu'on est viens me faire un boussa. On s'est promis de